Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous allons donc pouvoir reprendre peu après là où nous étions arrêtés. Pour rappel, vous venez d'amarrer les barques qui vous ont fait office de navire de transport entre Bayonne et Montpellier au niveau d'un quai où vous avez immédiatement été surpris par le taux de contrôle de la ville. À droite à gauche, vous avez cru entendre que le dirigeant de la ville aurait subi une tentative d'assassinat. À ce moment-là, vous avez peut-être un petit peu des souvenirs de la pure garée qui vous reviennent en tête lorsque le corps avait sonné au petit matin. Mais cette fois-ci, l'assassin a visiblement raté son coup. Dans tous les cas, la ville est bouclée, Non, la ville est surcontrôlée. Vous avez des contingents entiers de fléaux qui barrent différentes allées, qui fouillent toute personne tentant de rentrer et ou de sortir. Et on fouille notamment les possesseurs et les détenteurs de bourgeons de brûlure. C'est le cas car de nombreux hospitaliers se trouvent ici. Montpellier semblant donc être un point de repère pour ce culte. Au moment où vous êtes arrivé sur place, Jacquard a été pris d'une espèce de crise liée à son bras défectueux. Au moment où nous reprenons, du sang s'écoule de son épaule et il fait comme une crise d'épilepsie, le faisant sombrer dans une espèce d'inconscience. Ce qui explique qu'il ne sera pas là avec nous ce soir. Vous êtes en train de déambuler relativement vite, en train d'escorter Jacquard jusqu'au bastion des Spitaliers. Vous n'avez pas forcément le temps de faire attention à ce qui se passe autour de vous, mais je vais quand même vous décrire un petit peu ce que vous avez réussi à percevoir sur le chemin. Pour commencer, Montpellier est une grande ville, moderne, avec des bâtiments en pierre blanche, qui réfléchit particulièrement la lumière, mais aussi et surtout même la chaleur de l'été. Vous êtes en plein cagnard, vous avez passé l'humidité des marais et vous transpirez à grosses gouttes. Certes, vous courez, mais vous vous rendez compte que même si vous étiez resté au pas, vous auriez quasiment transpiré autant. Il fait vraiment extrêmement chaud. Les rues sont bondées de monde. Beaucoup de pêcheurs, de marins, de gens, de franquiens, tout simplement. Et vous voyez que la ville est partagée entre différentes autorités. Évidemment, l'autorité principale est celle des fléaux. Vous voyez, vous les voyez patrouiller, mais vous voyez également ces derniers travailler de pair avec des spitaliers. Au niveau des ports, des portes, des postes de contrôle qui ont été déposés dans la ville. Et vous voyez également des membres de la résistance, qui ne semblent pas être installés qu'à Toulon, mais aussi, visiblement, à Montpellier, et probablement à d'autres endroits encore, en tout cas vous, ce que vous avez cru entendre dire. Eux se font plus discrets, simplement ils ont l'air de recruter des gens dans la rue pour les enrôler dans leurs ordres, et les proposer, leur proposer de partir en mission plus au nord dans le pays, de se battre contre les Homo de Genesis, qui ont envahi la Franca. À un moment où vous courez, tandis que vous vous dépêchez, peut-être que toi, Lito, j'imagine que tu ne courras pas forcément à la même vitesse. Enfin, j'ai en soi, vous êtes pressé, mais toi, tu peux pas y faire grand-chose. Tu te feras alpaguer par l'un d'entre eux. Il te dira, toi, l'anabaptiste, ça te dirait pas de tenter de détruire un champ de sport? On aurait besoin de gars avec de l'expérience comme toi. Tu vois qu'il est habillé... avec la tenue de la résistance, il a la fleur de lys au-dessus de sa grande tunique bleue. Le visage bronzé et quelques gouttes, pareil, de gouttelettes de sueur, malgré tout. Même les gens d'ici ne semblent pas être habitués au cagnard. Je vais lui répondre. Je ne pensais pas qu'il y en avait aussi proche de la côte. Ils sont plus enfoncés dans les terres, normalement, non? Oui, évidemment. Nous menons des expéditions, nous montons des expéditions et nous les menons à bien plus au nord du pays. Mais vous savez, c'est pas plus d'une semaine de marche. Nous avons affaire actuellement. Nous nous dirigeons vers les forteresses anabaptistes, plus au sud. Si votre expédition n'est pas partie d'ici notre retour, pourquoi pas y participer avec les hommes que je vais y chercher? Tu vois qu'il acquiesce. À la bonne heure. Et ensuite, il se met à parler à un autre gars à côté. Autour de vous, vous avez des milliers d'oiseaux marins qui font des cercles concentriques autour de la cité. Un spectacle qui vous rappelle un petit peu Toulon. Il faut bien l'avouer. Tandis que tu suis le groupe, Lito, tu remarques autre chose. Le passage que vous êtes en train d'emprunter vous fait déambuler sous une gigantesque arche qui semble très vieille. Une arche qui a pour particularité d'être vraiment très très grande, comme si elle avait été construite pour laisser passer des géants. Et donne ensuite accès à toute une avenue, une allée gigantesque, où se déplace du coup un petit peu tout le fourmillement de la cité, et semble conduire en direction du bastion des Spitaliers. Ce dernier, vous vous y retrouvez un peu plus tard, alors que Jacquard va être admis par le reste du groupe. À ce moment-là, devant vous, donc que ce soit Lito, Lilith, Toric ou Flux, vous êtes arrêté par un groupe de spitaliers qui ont l'air de faire un petit peu du zèle. Alors vous êtes au niveau de leur bastion. Une énorme structure. L'orage, c'est clairement un endroit désert à côté. Un espèce de petit hôpital de campagne ridicule, tandis que là, on a affaire à un vrai bâtiment. Les spitaliers ont mis les moyens dans cette ville. Et vous voyez ces derniers qui vous arrêtent. Désolé, on peut pas vous laisser rentrer. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on vous fouille. Pardon ? Non. C'est la procédure, excusez-moi collègue, hein. Évidemment c'est sous votre respect, mais nous devons vous fouiller pour nous assurer que vous ne transportez pas de brûlures et nous ne pouvons pas vous laisser rentrer compte tenu de la situation, mais surtout des normes d'hygiène, nous devrions vous faire passer un lavage complet. Ça, je le comprends. Loin de moi l'envie d'être réticent, mais pourquoi nous fouiller si vous ne voulez pas nous laisser entrer ? Eh bien, on nous a dit que vous n'aviez pas été fouillé à l'entrée de la ville, alors le protocole exige que l'on vous fouille là maintenant. Très bien. Nous avons accepté de vous laisser transporter votre ami vu l'urgence. Mais maintenant qu'il est entre nos bras. Allez-y. Tu vois qu'à ce moment-là, il s'avance vers toi sans d'autres. Ok. L'hospitalier commence à vous fouiller. Est-ce que des gens parmi vous possèdent de la brûlure ? Certainement moi, pas. Moi, je sais que non. Moi, je... Pas le genre de la personne, donc, la personne inconsciente en possède, si je me souviens bien, ça a été dit en fin de dernière session. Oui, tout à fait, mais la personne inconsciente, de ce que j'ai compris, elle est déjà passée. Donc... La personne inconsciente, elle est sinon... entre leurs mains. Donc ça, c'est ça en tant que joueur, pas en tant que Lito qui dit « Oui, lui, il en a !» C'est une dénonce en mode « Non, non, mais... » Mais si non, non, le ouais. gars qui est passé devant, il est blindé dans les poches ouais, non, mais, effectivement, mais du coup, comme il est déjà passé, c'est vrai que notre groupe n'a pas vraiment rien à cacher, donc praise the sun. Vous voyez malgré tout qu'il semble s'arrêter un instant sur quelques légères secousses liées à l'un de leurs mollusques. Et ça, vous le savez, ça pointe directement vers l'élite. Toi, Torik, t'as l'habitude qu'il reste quelques traces, voire plutôt minimes. Mais vous voyez que c'est vraiment très minime, hein, elle est clean depuis quand même à un moment. Malgré tout, la brûlure l'avait endommagée à terme. Ce qu'on appelle, de manière un peu plus méta, des points de sport, de sporulation permanent. Ce qui fait que toi tu t'es habitué un petit peu à ce que sa présence, le mollusque, puisse réagir s'il est vraiment proche, mais comme dit c'est très léger et pour l'instant eux ne semblent pas l'avoir remarqué. Alors mes chers camarades, tout va bien ? Oui, vous, comment est-ce que vous vous appelez ? Moi c'est Torik Cole. À ce moment là Lorsque tu dis ça, une voix derrière eux retentit. Torik ? Je me retourne. Un autre hospitalier que tu ne connais pas, qui a l'air plus âgé et probablement plus gradé qu'eux, apparaît. Torik Cole, cette voix me dit quelque chose ? Ce nom me dit quelque chose ? Eh bien, peut-être. Si c'est dans le bon... Si c'est... Pour de bonnes choses, j'espère. Tu vois qu'il te tend la main, chose qui est quand même plutôt rare de la part des hospitaliers. C'est quand même un signe de respect, encore une fois, question d'hygiène, tout ça. Je lui tends la main. Je me présente, chef de clinique Victor Romberg. Eh bien, ravi de faire votre connaissance. J'ai plusieurs fois entendu parler de vous, je suis ravi de vous rencontrer. En vrai, vous êtes un petit peu une légende dans l'hôpital. Eh ben, je suis ravi de l'entendre. Ça me surprend un petit peu, mais écoutez... Oh, j'en rajoute peut-être un peu, mais c'est bien vous, le jeune cadet qui aviez participé à l'attaque d'une ville... Monétaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Effectivement, oui. Eh bien, figurez-vous que je parlais de vous avec un compagnon de voyage il n'y a pas plus tard que 2 jours. Je me suis rendu en... pour faire un compte rendu au niveau de la ville de Lucatore. Oui. Envoyé en mission là-bas. Avec d'autres membres, d'autres cultes avec qui je suis proche. Et sur le chemin retour, j'ai croisé quelqu'un qui vous connaissait. Ah, et c'est qui ? Un chasseur du nom de Fernex. Oh, ok. C'est... Oui, ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler de lui. Effectivement. Eh bien, il est ici en ville, si jamais vous voulez lui rendre visite. C'est vrai ? Oui, il est en ville. Avec une petite jeune, une... une Anna Baptiste. Dont j'ai oublié le nom, j'en suis bien désolé. D'accord, bah écoutez, vous savez où il se trouve exactement en ville ? Où je pourrais où j'ai le plus de chances de le trouver ? Oui, il me semble qu'il crèche à la taverne dans le coin de la rue. Celle du chien enragé qu'elle s'appelle. D'accord, eh bien écoutez, je vous remercie, j'irai le saluer. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Comment ça se passe sinon pour vous ici ? Oh, la situation est un petit peu tendue en ce moment. C'est-à-dire ? On ne va pas se mentir. Eh bien, plusieurs choses. Nous travaillons, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, depuis quelques mois de pair avec les Anubiens. Spitaliers et Africains ont décidé de faire impasse sur le passé et de partager leurs informations. Mais à ce moment-là, tu vois qu'il s'écarte un petit peu, en fait, et en fait, vous partez un peu en marchant le tour du bastion, qui est une zone un petit peu spitalière aussi, qui est un peu gardée, en réalité. Donc vous n'êtes pas à l'intérieur, mais vous êtes un peu dans une zone privée, ça vous laisse l'occasion d'en discuter un petit peu. Les autres, vous pouvez suivre, hein, c'est surtout que juste que, en fait, ils se détachent du reste des spitaliers qui se trouvaient devant, qui montent à la garde. On va suivre. En tout cas, moi, j'entraîne l'élite pour suivre, ne serait-ce que pour l'éloigner un peu des détecteurs qui font bip bip. Là. Je sais que j'en ai un avec moi, quand même, hein, à la base. Oui, non. Oui, mais on est habitué, tu vois, alors c'est... Oui. C'est pas... Oui, donc... Il continue à te parler. Oui, nous travaillons avec les Anubiens de pair, mais la situation est un petit peu compliquée. Mm-hmm. C'est-à-dire compliqué ? Oh, vous savez, quelques tensions. Bon, je sais que... Enfin, nous venons de Toulon. Et là-bas, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment on peut pas dire que ce soit vraiment la même chose là-bas. Les Anubiens ont un contrôle total, même s'il y a quelques camarades hospitaliers, mais ils travaillent dans des conditions déplorables avec du matériel qui est très obsolète, on va dire. Ils arrivent quand même à faire au mieux, mais c'est pas forcément très simple. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir un petit peu comment travaillaient les Anubiens, et je dois dire que c'est somme toute assez surprenant. Pour moi, on est plus dans le rituel que dans la médecine, mais bon, écoutez. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux, mais ils ont aussi à apprendre de nous. Il est vrai que l'orage, pour m'y être rendu, fait pas le figure. Malheureusement, le peuple de Toulon ne fait pas confiance aux hospitaliers. Alors, l'hôpital a jugé que fournir plus de moyens à l'orage serait contre-productif, car vous n'attireriez pas plus d'hommes. Dites-moi, j'en profite, mais est-ce que vous avez ici les structures d'enseignement ? Vous voulez dire pour élever des petits ? Oui. Eh bien oui. Écoutez, bien sûr. Que diriez-vous si nous pouvions créer une espèce de petite structure à Toulon, puisque j'ai la chance de pouvoir éduquer des enfants qui ont un vrai potentiel en termes d'hospitalier, qui sont vraiment très, très intéressés par la matière et par le culte. Du coup, malheureusement, je n'ai pas vraiment beaucoup de moyens aussi de mon côté pour les éduquer et je n'ai pas non plus les compétences adéquates pour enseigner. Donc si à l'occasion vous aviez peut-être un camarade qui puisse venir à Toulon pour enseigner, j'ai déjà 20 élèves, même peut-être plus, 25. Pourquoi pas, c'est... Voilà une bonne idée. Voyez-vous, mon temps est assez pris par mes occupations sur place. Nous menons des recherches avec les Anubiens, donc surtout ce qui est l'amorce, les phéromanciens, les homo de Genesis et ainsi que les psychovores. Bien sûr. Qui est un fléau qui sévit là-bas en Afrique et qui semble provenir un petit peu de la même genre d'origine que l'amorce. La même souche, quoi. On parle de la Exactement. Même souche. Exactement. Ok. Mais qui serait un petit peu différente quand même, ce qui fait que les deux ne sont pas vraiment compatibles. Ne s'apprécient pas énormément. Une fois qu'on les fait rentrer en contact, elles ne cohabitent pas très bien. Ce serait quoi, une genre de mutation ou... Qui sait, peut-être. D'accord. C'est plutôt intéressant, il est vrai. Et maintenant, nous avons aussi l'autre problème qu'on a tenté d'assassiner notre Atuma. Atuma l'obstiné, le chef de la ville. Atuma. Vous avez des pistes? Enfin, pour l'instant, pas du tout. Est-ce que vous savez pourquoi ce qu'on appelle Atuma l'obstiné? Mais écoutez, non, je ne le connais pas. C'est la 14e tentative d'assassinat à son encontre et il a toujours survécu. 14e? Eh oui, en peut-être moins de 10 ans, je dirais. Mais pourquoi on a envie de le tuer autant que ça? Qu'est-ce qu'il fait que... Cette position fait débat. Comme beaucoup de dirigeants, et peut-être qu'il a tendance à faire un petit peu trop de zèle. Alors il se met dans des situations délicates. Le point où il se trouve est stratégique. Et cela ferait un bon point de départ, peut-être, vous savez... Autant certaines des tentatives ont pu être orchestrées par des membres de cultes rivaux, d'autres cultes d'Africa, d'autres néolibiens par exemple. Mais bon, sa mort pourrait permettre au culte de Borka notamment de tenter de reprendre... l'ascendant. Oui, c'est vrai, mais... On sait ce qu'on a, mais on sait pas ce qu'on pourrait avoir par la suite. Ça peut être aussi pire que ce que ça l'est maintenant. Ah, ça c'est vrai. Enfin bref, je ne veux pas vous prendre plus de temps. Qu'est-ce que vous faites du côté de Toulon, vous? J'ai pas vraiment... Oh, bah pour l'instant, nous étions en train d'un petit peu de regarder l'état de la population, on va dire, de chez nous, ce qu'ils arrivent à coexister avec eux. Et surtout, pour ma part, mes camarades hospitaliers, pour le chroniqueur ici présent, c'est un peu la même chose. Son culte n'est plus très présent. Ah, toujours, donc peut-être de faire un petit état des lieux, et puis pour mon camarade Anabaptiste, il y a une petite communauté qui subsiste, et donc c'était aussi peut-être une bonne chose de venir. Donc voilà. Bien, je vois. Et qui c'est ça, vos compagnons, donc présentez-les-moi, je vois la... Eh bien, mon camarade chroniqueur qui est ici présent, qui se nomme Flux. Voilà. Enchanté. Oh, vous savez, là, il marque une espèce de petite pause dans son dialogue. Je crois que j'ai déjà entendu parler de vous. Je ne soulève pas, je opine juste de la tête. Ici présent, mon camarade Anabaptiste, le fureur Lito. Ah, vous avez fait les guerres adriatiques, vous, j'imagine. Évidemment. Ah. Nous avons Lilith ici, qui est une petite qu'on a récupérée sur Toulon et qui maintenant voyage avec nous. D'accord, vous l'avez un petit peu adoptée, si j'ai bien compris. C'est un peu ça, elle, est, elle fait partie du groupe. D'ailleurs, nous avons pris le, entre guillemets, un peu en gérance l'orphelinat de Toulon. C'est aussi pour cela que nous avons beaucoup d'enfants. Et du coup, ça peut être très intéressant de pouvoir les éduquer pour l'hôpital. Mais voilà. Et sinon, notre camarade qui est, bah, du coup, qu'on vous a amené, hein, qui est Jacquard, oui, qui est un juge, oui. Voilà, malheureusement, il a eu quelques soucis pendant le trajet. Et, j'ai dit aux camarades un petit peu ce qu'on a tenté de faire avec le peu de moyens qu'on avait pour qu'ils puissent le soigner au mieux. Mais c'est vrai que ce sont toujours des actes chirurgicaux assez, assez compliqués dans des situations bah, où on a peu de chances pour le faire. Donc j'espère que ça ira bien pour lui. Pour le remettre sur pied. Ouais, merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, je sais pas, je vais pas trop vous... On va pas trop vous déranger, à part si mes camarades ont des choses à vous demander, mais... Personnellement, je pense que... On va vous laisser travailler. Une chose, oui, moi. Oui ? Vous disiez que vous aviez voyagé récemment, donc je demande votre expertise. D'après vous, pour se rendre aux forteresses anabaptistes au sud, Kiribus et Perepertus, le plus efficace serait de prendre la mer depuis ici ou de prendre le grand détour par la terre qui passe vers Perpignan, en termes de rapidité et de sûreté. Bien... Tu vois, qui te répond avec une espèce d'accent, un peu un mélange, un peu un accent, l'accent de quelqu'un qui aurait voyagé. Un mélange entre un truc un peu du sud, mais des fois qui va avoir un petit peu des relents d'autres zones que t'as pu parcourir. Par la mer, avec la route d'Atuma, ce sera plus rapide. Mais plus cher, puisque vous paierez une taxe à Atuma l'obstiné. Alors, vous pouvez aussi passer par la terre et faire le tour directement. Ça vous fera moins de frais. Est-ce que vous dites de la dangerosité des lieux si, par exemple, nous voudrions couper le chemin à pied ? C'est plutôt tranquille. Il y a différentes forces à l'œuvre qui sont là pour sécuriser les routes. Que ce soit de notre côté la résistance, ou alors plutôt du côté de Perpignan, vous avez les anabaptistes justement et les fameuses forteresses dont vous me parliez. Maintenant, il arrive que des troupes djamétanes se perdent et fassent quelques détours et qu'il y ait quelques affrontements au niveau des routes. Donc peut-être que pour un anabaptiste comme vous, ce pourrait être un peu plus risqué, mais... Mais honnêtement, ils ne s'attaquent pas au groupe de voyageurs à vue non plus, quoi. Ce sont des djamétanes, ce sont des humains, après tout. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'aime à les considérer. Je vois. Les chemins sont donc plutôt sûrs. Et qu'est-ce qu'il en serait de couper à pied, c'est-à-dire de ne pas suivre les chemins et d'aller directement depuis ici, depuis Montpellier, vers Kerebus, en ligne droite. Le mieux qu'on peut, qu'on puisse, évidemment. Eh bien... Cela sera un peu plus aventureux. C'est quand même une zone où vous pouvez avoir de grandes... On s'approche des Pyrénées après tout, hein, donc ça monte. Vous avez aussi des courants d'eau, donc je conseillerais quand même de prendre la route. Maintenant, pour un petit groupe rapide et aguerri, qui aurait l'habitude, ce pourrait être un bon compromis, j'imagine. Après, si jamais vraiment la rapidité est votre... Et votre besoin numéro un, vous pouvez aussi louer des chevaux. Il y a une compagnie qui est implémentée en ville, qui est au niveau de la porte. Ils ont un relais directement à Perpignan, donc il suffit de ramener les chevaux là-bas. Et même si vous restez une semaine sur place, vous ne paierez pas plus cher. Merci pour ces informations précieuses. Bon. C'est bien normal. Bon, eh bien, camarades, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour tout le travail. Et tenez-nous au courant de l'état de notre ami. Voilà. Je vous remercie, Toric. On vous tiendra au courant. N'hésitez pas à venir prendre des nouvelles. Si jamais vous souhaitez aussi vous purifier, n'hésitez pas à... Vous avez l'autorisation de pénétrer dans le bastion. Je pense que je vais le faire. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. À Toulon, ils n'avaient pas de quoi faire. Donc, je pense que avant de partir, avant d'aller sur les routes, je vais en profiter. Eh bien. Merci. Parfait. Et c'est « Oh, purification !» Comme la chanson, comme la musique, tu sais. C'est ton riz qui sort, il illumine, tu sais, il a la lumière. Je suis pur. Et justement, il pense au lavement qu'il va subir. Là-dessus, vous repartez plus en direction de la ville. Enfin, de la ville. Vous êtes en plein milieu de la ville, hein, mais je veux dire... De la ville habitée par des gens normaux. Oui, on sort de la forteresse hospitale. Lui retourne à ses occupations. Et vous vous trouvez simplement là à errer un petit peu dans les ruelles. Et j'aimerais vous demander ce que vous souhaitez. Alors, mes chers camarades, est-ce que vous seriez d'accord si on prenait un peu le temps bien d'aller à la rencontre d'un de mes camarades que j'ai croisé il y a de ça quelques temps, ce chasseur qui est a priori à la taverne juste à côté d'ici. Oui, Fernex. Oui, voilà, Fernex. Ah, d'ailleurs, on est présent sur Garé. Voilà, donc on pourra. À Lucatoré, exactement. Donc nous aurons l'occasion du coup aussi de rencontrer l'Anna Baptiste qui est avec lui. Il pourra peut-être nous être utile il faut aller justement à Kerebus, qui doit connaître le secteur, j'imagine. Un chasseur. Oui. De souvenir, Pernex était déjà connu à l'époque pour être quelqu'un de compétent. Et s'il est accompagné d'une anabaptiste, cela ne fera que plus de compagnons de qualité. Eh bien, allons-y alors. Très bien. Vous marchez donc dans les rues de la ville à la recherche de l'auberge du chien enragé. Vous déambulez un petit peu dans différentes ruelles. Est-ce que vous demandez votre chemin? Comment est-ce que vous prenez pour trouver cette dernière? Ou est-ce que vous y allez simplement, vous... On peut demander, hein, Ok. Alors, pas un gars qui va nous vendre une carte où on doit acheter je sais pas combien de millions de dollars, comme ça s'est passé à Toulon, hein. Non, juste, on cherche la taverne du chien enragé, pardon. C'est tout. Le chien enrayé. Il est enrayé, ouais. Pas mal. Eh bien, vous trouvez votre bonheur. Je vais vous faire faire de test ni quoi que ce soit. Vous marchez un peu, voilà, vous demandez à 2-3 passants. Et les gens sont assez... comment dire, conviviaux. Assez hospitaliers. Et on vous redirige... au niveau de cette auberge. Ah, de Toulon. Lorsque vous arrivez devant cette dernière, vous voyez une structure assez classique de bâtiment qui autrefois n'était clairement pas une auberge, mais qui a été recyclée comme telle. Vous avez voilà, un bâtiment de couleur orange. La pierre est colorée. Vous avez différentes fenêtres qui, pareil, vont renvoyer l'importante chaleur, les épais rayons du soleil. D'ailleurs, lorsque vous traversez le milieu de la ville, il y a deux, trois moments où vous passez par de grandes places dégagées. En fait, les grands bâtiments vont bloquer la plupart du vent, quand bien même vous êtes proche de la mer. Toute cette, voilà, cette pierre blanche, etc., et puis même voilà, le fait que vous êtes dans le sud, fait que ça tape vraiment beaucoup plus qu'à Toulon. Vous avez plus peut-être l'habitude de pouvoir vous planquer à l'ombre de certains bâtiments. Ici, il y a vraiment des zones où ça cogne. Alors peut-être que c'est la période aussi où vous avancez dans l'été, hein, mine de rien, petit à petit. Vous voyez qu'il y a deux devantures, en réalité. La première indique la mention « Le Clébard ». Et ensuite, ça a été barré et remplacé par le panneau, un panneau qui indique le chien enragé. Vous entrez à l'intérieur. Bon, bah, au moment où on est en plus en début de journée, donc il n'y a pas grand monde. Vous avez quelques pêcheurs qui sont là, accoudés à quelques tables, en train de manger. Et instantanément, vous entendez les grognements et les aboiements d'un chien qui commence à se rapprocher de vous assez rapidement, il n'est pas tenu en laisse, et qui commence à vous renifler, et, comme dit, à grogner. De souvenir, Fernex, il avait un chien, non ? Fernex avait un chien, mais il était mort. Ah ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas pris un nouveau chien ? Et là, je crie... Fernex ? T'appelles le nom de Fernex. Et à ce moment-là, il y a une silhouette de dos à vous. Avec d'épais chevaux longs, gris, sales. Qui tourne la tête. Et qui dit tout doux, le chien, tout doux. Le chien retourne... D'ailleurs, il met sa main en bas comme s'il avait un truc à lui donner à manger, un morceau de viande, peut-être. Ah ouais. Et ce dernier se calme et, en effet, arrive jusqu'à son niveau. Et c'est pas retourné. Si, à ce moment-là, il tourne, continue de tourner sa tête et de se retourner dans votre direction. Et tu l'entends dire « Eh ben ça alors !» Et vous voyez distinctement Fernex, que vous n'avez pas vu depuis maintenant, si mes calculs sont bons, un an et demi. La silhouette de ce vieux chasseur, son crâne dégarni, ses cheveux mal coiffés. D'ailleurs, il a les cheveux beaucoup plus longs qu'à l'époque, ceci dit. Torik. Ah, Elito. Qu'est-ce que ça fait plaisir de te revoir. Comment est-ce que vous allez? Tu vois qu'il a l'air assez content de vous voir. Et il se lève pour s'approcher jusqu'à vous. Toi, Elito, d'ailleurs, toi, tu n'as jamais été spécialement proche de lui. Tu n'étais pas là lors des missions qui l'ont un peu sous des groupes. Mais tu le connais depuis beaucoup plus longtemps, vu que vous habitiez dans la même ville. Voilà, tu sais qui c'est, vous connaissez depuis peut-être une vingtaine d'années avec Fernex. Bon, venez vous asseoir. Qu'est-ce qui vous amène à Montpellier ? Ah, on a des petites choses à régler. En même temps, j'ai... En passant voir mes camarades hospitaliers, on m'a dit que t'étais ici. Du coup, on était bien obligé de venir te voir quand même. Ça fait un petit bout de temps. Tu vois qu'à ce moment-là, il dit Victor. C'est ça, Victor. Ouais. Un gars sympa. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je voyage avec la petite Vérana. Regarde. Tu vois qu'il... Cette fois-ci, il se retourne au niveau de la table. D'ailleurs, il vous dit, suivez-moi, suivez-moi. Et vous redécouvrez le visage d'une autre personne qui vous est familière. Il s'agit de Vérana, d'ailleurs, pardon. Je l'appelais Vérana. Je me rappelle plus à quel point ça commence à remonter. Hein, vous aviez pu avoir affaire à elle ou pas. Mais elle se trouvait également à Lucatore. Tu disais, excuse-moi. J'ai l'impression que c'était pas très beaucoup. Il me semble que c'était pas beaucoup, parce que de souvenir, c'était un personnage qui normalement est un peu important, mais ça fait pas partie des personnages qu'on avait un peu esquivé, force de contexte. Dans tous les cas, son visage vous est familier, puisqu'elle était là à la fin, lorsque la situation s'était un petit peu envenimée, notamment lorsque les flagellants avaient pris un peu le contrôle sur la place publique et avaient foutu le bordel. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Peu de temps avant l'attaque de l'Essaim. En tout cas, elle, vous la connaissez surtout de vue. Et vous voyagez vers où, tous les deux? Ah, asseyez-vous, asseyez-vous, je vais vous raconter. Je m'assois. M'assois aussi. Pareil. Ah, il s'en est passé des choses. De terribles choses. Ouais. Est-ce que vous êtes un petit peu au courant des nouveautés là-bas en ville? À Lucatore? Ah, Lucatore, oui. Eh bien, je sais que malheureusement, les anabaptistes n'y sont plus la première autorité. Eh non, le vieux loup blanc de Bergamo a hérité de tout et commence à récupérer toute la région. Elle est désormais plus Clanis qu'autre chose. Quel malheur. Ouais, j'imagine que pour vous, ça doit être sacrément terrible. J'avoue que je ne sais pas trop de quoi penser de ce Bergamo, enfin de ce Vespasio, du vieux loup blanc, mais... Quoi qu'il en soit, ce Altaïr sera était... Oui, bah Altaïr était un dirigeant comme on en voit un tous les 100 ans. Évidemment, la perte de la Purgarée n'est pas seulement un drame pour les anabaptistes, mais pour toute l'humanité. Nous avons un projet de société, nous avons... des cultivateurs, des guerriers, des protecteurs, des administrations. Et tout ça va être jeté au feu maintenant avec les clanistes. C'est simplement dans leur nom. Ils ne fonctionnent qu'en clan. Et non pas pour toute notre espèce. Ouais, j'imagine. Ruby, sers-nous des 4 pintes supplémentaires. Vous voyez qu'il en commande même une pour la petite. Et du coup... Mais ce n'est pas tout. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous êtes au courant que Ennio Benesato est décédé cet hiver? Ah. Et il est mort et je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, c'était le frère d'Altaïr qui lui avait renié les anabaptistes et qui était marié avec Gala Lombardi, la fille du vieux loup blanc. Qui devait avoir bien 20-25 ans de moins que lui. Et bien désormais, c'est elle qui prend possession de tout. Décidément. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Les apocalyptiques ont commencé à s'installer dans la région aussi, alors il faut faire attention. Il y a les Faucons de la Rouille qui se sont mis en tête de traquer les ascètes qui fuyaient la ville. Ils les dépouillent et on retrouve leurs cadavres entassés dans les marais. Ah, quand même. Ouais. Mais bon. D'un autre côté, les Romano ont complètement disparu. On les a plus revus depuis ce moment-là. Enfin, voilà. De notre côté, avec... J'ai pris Vérana sous mon aile. Et nous nous sommes mis en tête, assez stupidement, d'essayer de retrouver Vical et Barguest. Oh. Vical et Barguest, qui étaient donc l'enfant l'aberrant. Et du coup, bah, Barguest, la Mais créature que vous aviez combattue là-bas. Pourquoi tu veux le retrouver? pour prendre notre revanche. Je peux pas laisser des bêtes comme ça. Mais sur deux, vous allez faire quoi? Pas grand chose. À ce moment-là, il passe sa main au niveau de ses cheveux. Il les jette en arrière et tu vois qu'il lui manque une oreille. Il a des traces de brûlure sur toute une partie du visage. Pas grand chose, malheureusement. Du coup, on a décidé de revenir ici. Ouais. Il serait en Franca? Non, non, non. Il est toujours en Purgare. Ils sont partis vers le sud. Mais nous, on a décidé de fuir cet endroit. On reviendra plus tard. Mieux équipé, mieux entraîné. On a un autre mystère à résoudre. Verena, vous voyez que Verena a l'air de nature assez timide. Et révèle, au niveau d'un collier qu'elle a accroché autour du cou, une espèce d'objet qui ressemble un petit peu à une amulette. Avec un bijou, ce qui semble à première vue être un bijou incrusté dedans, mais en réalité, vous annonce Fernex, il s'agit, allez savoir, d'un germe. Germe 2. Un germe qu'Altaïr a légué à Verena. Et ce dernier semble développer quelques secrets. C'est-à-dire ? Nous ne savons pas autant. Pour l'instant, nous sommes en train d'en discuter avec les Anubiens qui habitent ici. Et vous n'avez pas peur qu'ils vous la confisquent simplement par leur autorité ? Eh bien, c'est pour ça qu'on la garde. On ne leur laisse jamais... On n'en laisse jamais sans que nous soyons là sur place. Mais bon, on a seulement commencé à travailler avec eux. On vient juste d'arriver. En as-tu parlé avec Victor ? Oui, Victor, c'est lui qui m'a redirigé vers eux. Oh, on avait entendu quelques histoires, hein, évidemment, mais il me sert de garant. Okay. Si lui, il leur fait confiance, en tout cas, leur accorde un minimum de confiance, alors nous ferons de même. Ok. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es sur Montpellier ? On est arrivé il y a quelques jours. Ouais, donc tu connais pas forcément bien le coin, notamment la zone. Parce que nous avions envisagé de rejoindre Kéribus. Ça ne me dit rien, c'est où ? C'est à que pas loin de Perpignan. C'est une forteresse anabaptiste. Je vois. Là où d'ailleurs tu serais sûrement évidemment le bienvenu de par tes services à Lucatore. Oh, je ne suis pas anabaptiste, je suis un simple chasseur. Tu as tout de même participé à la vie de cette ville et ne serait-ce que par le fait que tu tiennes en ta possession cet artefact d'Altaïr, mes frères et sœurs seraient sûrement tout ouverts à t'aider dans tes recherches. Eh bien, pourquoi pas alors ? Pourquoi pas ? Nous prévoyons d'y partir, si ce n'est immédiatement, en tout cas, quand notre compagnon Jacquard sera en meilleur état. C'est ce que j'allais dire. Où sont donc Jacquard et Mokosh ? Jacquard est au Bastion, c'est bien comme ça qu'il l'appelle ici ? Oui, le bastion Anabaptiste. Non, pas Anabaptiste. Non, il est chez l'hospitalier. Il est en train de se faire soigner. Parce que les hospitaliers sont des Anabaptistes. Il en a eu un petit souci sur le trajet. Et il a été blessé, du coup. Rien de grave, hein, j'espère. Oh, il va s'en remettre, c'est un dur, hein. c'est un juge. Ouais, ouais. Mais oui, du coup, il se fait soigner par l'hospitalier. Très bien. Eh bien, j'espère que ça ira. Et Mokosh ? À ce moment-là, en te coupant complètement la parole, il y a Lilith qui dit elle est morte. C'est ça. À cause de moi. Elle n'est pas morte encore. Ne vous emballez pas. Si elle est morte, ça sert à rien de se mentir. Mais écoute, pour moi, elle n'est pas encore morte. Ça fait combien de temps d'ailleurs qu'elle y est là dans son truc là? Ça fait combien de jours depuis qu'elle est dans la pionimus? Là, ça va faire quelque chose comme 2 semaines, je pense. Voilà, de... donc. Ouais, ça va faire 2 semaines. Dans 2 semaines, on aura une réponse. Je développe pas le fait qu'on a perdu sa trace et tout ça. Genre, on aura une réponse. Tu vois que Fernex a l'air du mal à vous suivre, dans le doute, préfère ne rien dire. Ok. Mais oui, c'est compliqué, effectivement. Je vois ça. Je vois ça. En tout cas, je vois que tu t'es vite retrouvé un compagnon de voyage. Verena est une fille. Non, je monte le chien. Ah, ce n'est pas le mien, il est à Ruby, c'est la patronne du bar. Ruby ? Et tu vois qu'il fait signe derrière et vous avez une nana, une jeune, en train de nettoyer des verres. Et à un moment... D'ailleurs, à peu près à ce moment-là, vous avez du coup Ruby qui vient vous voir. Donc vous voyez, comme dit, c'est donc une jeune femme qui doit avoir pas loin de la trentaine. Elle a une clope au bec et elle vous dit, une clope qu'elle a dû rouler elle-même, hein, vu l'état de cette dernière. Hein, on parle pas de cigarettes d'aujourd'hui qu'on trouve dans les tabacs. Elle vous dit, je vous sers quelque chose ou vos pintes vous suffisent? D'un ton plutôt gentil. Et qui contraste pas mal avec celui juste avant où elle a voulu foutre un type dehors. Ça suffira pour moi et la petite. Ça suffira pour moi aussi. T'as laissé Lilith boire ou pas? Oui, la première pince, mais elle prendra rien de plus. Oui, histoire d'être un bon père. Enfin, oui. C'est ça. Les parents de substitution de l'élite qui se trouvent absolument partout. Ils s'enchaînent. Toute une liste. Si Tom meurt, c'est parce qu'on a gagné. C'est ça. Là-dessus, dites-moi ce que vous faites. Ben, je voulais demander à Fernex du coup et sa coéquipière Verena, si est-ce que ça vous intéresse simplement de faire le voyage avec nous lorsque nous partirons vers Eh bien, pourquoi pas. Nous sommes pas encore décidés sur si nous prenons un bateau jusqu'à Perpignan ou si nous partons à pied, suivant les chemins ou coupant à travers les terres. Ce sont les possibilités qui sont en train de... De ce que j'ai cru comprendre, les bateaux, je me suis posé la question, nous avions hésité à prendre un bateau à Toulon pour venir directement ici, ce qui aurait été beaucoup plus rapide. Malheureusement, disons que la place que prend un être humain, c'est une place où on ne met pas de marchandises, et donc les prix sont assez élevés. Je recommanderais plutôt d'y aller à cheval. Ou à pied. Je pense qu'on peut voter déjà. On peut déjà dire ce que nous pensons tous à ce sujet. Eh bien, dans tous les cas, nous, nous plions à vos désirs. Par Tango. Et à ce moment-là, il jette un morceau de viande, parce que lui, il a un petit plat qui s'était pris. Il jette un morceau de viande au chien, qui est juste à côté. Ce dernier, d'ailleurs, vient réclamer ensuite, par la suite, mais a l'air assez content. Et remue la queue. Fernex, d'ailleurs, le caresse, hein, vraiment, on dirait son chien, hein, de loin. Oui, enfin, on a senti que ça lui manquait d'avoir un clébard, quoi. Ok. J'ai bien compris, Efflux ne veut pas prendre de bateau. Oui. Ah, bien. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on y aille à pied, j'imagine, maintenant. Oui, mais de toute façon, c'est sûrement moins cher, on n'a pas vraiment les moyens, je vois même pas de quoi on discute. C'est vrai en même temps. Voilà, nous sommes d'accord. On n'a pas trop le choix en vrai. Exactement, on n'a pas le choix. Nous verrons cela au retour sûrement. On n'aura pas plus de moyens au retour, t'en fais pas. Eh bien, que diriez-vous d'aller voir aux écuries s'ils ont assez de chevaux de disponibles? Oui, pourquoi pas, mais d'abord, combien avons-nous d'argent sur nous actuellement, nous tous? Je crois que moi, j'ai déjà donné tout ce que j'avais au passeur là, avec le bateau, pour l'arrivée. La monnaie du secteur, c'est la lettre de change? Oh, dinar. Ah, c'est dinar? Ok. Du coup, ouais. On avait gagné des sous du combat là qu'on avait fait et tout ça là. Oui. Ils ont été ajoutés à vos fiches. Du coup, actuellement, on a 800 dinars pour le groupe. Si ce qui a marqué est toujours bien. C'est ça. Ouais, 800 dinars pour le groupe et Toric en a 53 et Flux en a 19. Donc en tout, vous avez, ouais, c'est un peu plus de 800, quasiment. En gros, si on voulait louer des chevaux, ça nous coûterait à peu près combien avec les dinars, enfin... Allons leur demander, tout simplement. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Eh bien, je pense qu'avec 800, on peut payer un bateau, mais bon, évitons de faire des dépenses. Ouais, inutile, ouais, effectivement. Oui, évitons. D'ailleurs, je reviens là-dessus, mais on les a mis où, nos explosifs? Parce que... là, c'est entre joueurs, hein. Là, c'est pas Zori qui est en train de dire « Oui, les explosifs, ils sont... » Pour l'instant, a priori, du coup, ils sont toujours dans la barque. Avec dans la barque, j'ai fait un gage avec le conducteur du bateau, je lui ai donné mon épée en échange du fait qu'on allait revenir et tout ça... Et qu'on allait payer pour le retour avec plus d'hommes que ceux avec lesquels on était passé. D'accord, donc il les stocke dans la barque, quoi. Bah, faut juste espérer qu'il va pas essayer d'en tirer profit parce que ces deux quais, je pense, vaut plus que ce qu'on pourra lui rapporter. T'inquiète pas. Et la zone épée aussi. C'est marrant, tu es très méfiant envers des personnes qui on pourrait accorder confiance. Et pas du tout méfiant envers ceux auxquels j'ai pas très envie d'avoir accordé confiance. Ok, on verra, Lito. Ce n'est pas que je ne suis pas méfiant. C'est que je sais très bien qu'en réalité, cet homme avec les explosifs dans sa barque a actuellement été récupéré par la douane, vu la sécurité qui est actuellement en ville, et nos explosifs sont dans un entrepôt, en attendant de savoir à qui ils appartiennent. Et lui, non, c'est pas faux. Ok, génial. En espérant aller pouvoir les récupérer un jour. Bon, oui, ça serait pas mal. Alors, j'essaierai peut-être de voir si jamais avec Victor, vu qu'il avait l'air de dire qu'il avait des. Il s'entendait bien avec les Anubiens. On pourrait peut-être, si jamais il y a un souci, évidemment, pour faire marcher les. Voilà. Bah du coup, oui, on... enfin, j'imagine qu'on en parle comme ça sur la route en allant vers... En effet. Ouais, je... Si jamais je vous laisse regarder au niveau du miro, au niveau de la partie basse, donc celle sur la Franca, j'ai rajouté la carte de Montpellier. Et vous trouviez au niveau donc, du centre du quartier de Lure, avec du coup la fameuse allée que je vous avais décrite plus tôt. Mmh. Cette allée avec de grandes arches, par laquelle d'ailleurs vous repassez et où vous découvrez de nombreuses statues, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Et par la suite, donc là, vous allez remonter eh bien, au nord de la ville et emprunter donc la route de Perpignan. À cet endroit-là, vous trouvez une espèce de petit campement avec différentes caravanes, des tentes, etc. Donc des gens du voyage qui se posent ici à l'entrée de la ville entre deux trajets. Et vous avez donc les fameuses écuries qui se trouvent pas très loin. En tout cas, à ce niveau-là, elles sont un petit peu sur le côté. Vous y retrouvez donc bah, des, simplement des... J'oublie le nom qu'on donne aux gens qui s'occupent des chevaux, mais... On va dire des chevrotiers. Après, c'est... Des oui, éleveurs, c'est... Des oui, des commerçants. Du personnel équestre. Ouais, voilà. C'est un centre équestre. Non, bref. Vous avez un... Donc, un gars. Eh bien, lorsque vous allez le voir, vous lui demandez au niveau des prix. Et il vous répond tout simplement. Eh bien, pour les chevaux, c'est simple. On fait 100 dinars par personne. Et ensuite, lorsque vous redéposez les chevaux, soit ici, soit à notre... comment dire, écurie miroir qui se trouve au niveau de Perpignan, eh bien, tout simplement, on vous rend 75 dinars par personne. Ce qui fait en réalité un prix réel de 25 dinars. Mais on a déjà tenté de nous voler des chevaux, donc par précaution, c'est la caution, on demande de payer. C'est exactement. La caution. Okay. On fait moins cher pour les enfants. J'apprécie ces prix, d'autant plus qu'en parlant de 100 dinars au début, on prépare les gens à être prêts à payer 20 dinars, même si ça aurait pu être moins. Et c'est incroyablement malin de votre part. Tu vois qu'il... Lui-même, il a pas trop l'air de comprendre, et après il fait « merci ». J'ai dit par erreur. J'adore les anabaptistes. Et j'adore les membres du personnel équestre. En plus, vous savez, ce sont de bonnes bêtes. Elles sont bien dressées. Il faut pas hésiter à être un petit peu dur avec eux. Ce sont des animaux sauvages. Ça leur fait pas mal, hein. Combien pour les enfants ? Pour les enfants, 50 dinars. Et on vous rend 40 dinars. Très bien. Alors elle aussi, elle aura une petite monture. De ton côté, Flux, t'entends du bruit, pas loin, au niveau de l'une des tentes. Au niveau, ouais, ça, de l'une des tentes. Psst. Je regarde. Hein. Tu vois l'ombre d'une silhouette derrière l'une d'entre elles. Honnêtement, la transaction se passe. Je me détache un peu du groupe sans même en parler pour me rapprocher et voir ce qu'il en est. Et tu retrouves le roi des gueux. Tu vois qui te dit alors, vous poursuivez votre route à cheval, à ce que je vois. Oui, en effet. Je réponds juste au message de Kane. Pour rappel, le roi des gueux a fait le voyage avec vous. Il avait disparu au début de Montpellier. Enfin, lorsque vous êtes arrivé en ville, mais il... c'est pas une con. Oui. Hein. Oui, non, mais... il est avec nous, on le sait. Oui, mais bon. Ouais. Non, mais laisse-moi tranquille. Eh, oh, laisse-moi tranquille avec toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, oui, en effet, on. nous partons à cheval. C'est plus pratique. Est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'ils élèvent leurs chevaux? Ces créatures étaient autrefois sauvages et libres, mais eux, ils sont violents avec elles. Ils les marquent au fer rouge pour pouvoir être sûr de les reconnaître. Ils les passent à tabac. Et Flux, j'ai quelque chose à te demander. Oui. Disons que ce serait fort pratique pour moi et mes hommes d'avoir des chevaux. Ainsi, je pourrais me déplacer plus rapidement de ville en ville et aider ces dernières. J'aimerais soit que tu m'aides à libérer des chevaux en plus de ceux que vous allez prendre, soit que tu me donnes ceux que vous êtes sur le point de louer. Tu épargnerais à la fois des vies humaines et également sortirais ces bêtes de l'esclavagisme. Il va falloir que j'en discute avec mon groupe. La question est financière et les touche directement. Et connaissant la virulence de certains, oui, ça je peut comprends. S'agir. Et puis j'ai déjà pas mal abusé, notamment à Bayonne. Je veux dire, tu ne me dois rien, loin de là, je ne peux pas tirer sur la corde plus que nécessaire. Cependant, on peut voir toujours si on trouve un arrangement. Oui. Donner ce que nous prenons semble assez compliqué, étant donné que ça veut dire que on risque de ne pas avoir de... Enfin, la fin du paiement, et que nous avons besoin de ressources, justement, c'est pour aider la Saint-Chenil, etc. Du coup, les ressources sont plutôt précieuses là-dessus. Par contre, se débarrasser de quelques chevaux supplémentaires, il y a peut-être moyen qu'on trouve un moyen. Nous pourrions, si jamais tu le souhaites, tu vois qu'il glisse sa main dans l'un des trous de l'un de ses haillons, et on sort une espèce de plante. Tu pourrais peut-être endormir le marchand en lui faisant boire un peu de l'eau qui aurait été infusée au préalable. Puis revenir d'ici quelques heures. Ça me semble jouable, oui. Allez, tu m'assures que ce n'est pas une plante mortelle. Hein. Non, elle n'est pas mortelle, elle n'est pas mortelle. Bon alors. On utilisait ça pour endormir des blessés du grand la guerre adriatique. J'avais pour habitude d'écumer les champs de bataille. Maintenant, tu as parfaitement le droit de dire non. Je ne veux pas, encore une fois, abuser. Tu as déjà fait énormément et prouvé maintes fois par le passé ton dévouement à une cause juste et noble. Alors, je pourrais toujours me débrouiller en y allant à pied ou simplement essayer de récupérer des chevaux par moi-même. Et puis peut-être que ce marchand en aurait besoin tout en tant que nous. Je pense que quelque chose, nous ne pourrions pas, bien entendu, tous nous en séparer, mais quelque chose doit être faisable. Très bien. Là-dessus, le groupe retourne au niveau de Montpellier. Dans le but d'aller trouver... Maintenant que vous avez convenu d'un arrangement et peut-être réservé des chevaux pour votre départ. Mais du coup, oui, de retour à Montpellier, et avant de partir, du coup, agir, hein, je vais quand même aller voir mes amis et... j'ai revu notre cher Elias pendant que nous étions au niveau de l'écurie et Sauriez me demander de l'aider à faire échapper quelques chevaux pour l'aider dans ses divers déplacements, disons. Ouais, et ça consiste et je en quoi pense que ça... endormir le marchand, laisser les chevaux s'évader. Pas tous, on va en laisser quelques-uns, évidemment. Faut bien que ce pauvre homme vive, mais apparemment, il les maltraite. Donc, ça fera un peu de bien pour les chevaux et juste rien plus. On rentre, on les sort et on ressort. Mais il peut pas l'endormir lui-même, le vendeur ? Quoi, nous ? Je sais pas, moi, pourquoi nous ? Pourquoi pas ? Bah, il est pas tout seul. N'importe qui de ces hommes peut rentrer et faire genre qu'il veut louer un cheval et l'endormir et puis tout. Pourquoi nous ? Bah, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire de plus que lui ne peut pas faire ? Mes compétences. En endormissement ? Tu endors les gens, toi, maintenant ? Non, il m'a donné une petite plante pour agir. Oui, donc... en gros, c'est nous qui allons nous exposer pour lui. Parce que, j'ai envie de te dire, si on retrouve le marchand endormi demain, on va forcément... rechercher les dernières personnes qu'il a vues, et les dernières personnes qu'il aura vues, ce sera nous. Bah oui. Je pense qu'on fait rapidement le lien. Donc après, ça va être nous qui allons être recherchés, et pas lui. Personnellement, moi, je suis pas pour, mais après, Lito, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça un petit peu bizarre. Je pense que s'il s'endort et que des chevaux disparaissent dans la nuit, si nous nous présentons tout de même ensuite pour venir récupérer des chevaux, nous serons moins soupçonnés. Pour ce qui est de si nous le faisons, ou en tout cas si nous acceptons de le faire... A priori, cela ne nous coûte rien. Et peut-être que ce roi des gueux nous sera utile plus tard. Après tout, il semble avoir des moyens, ne serait-ce qu'à Toulon. Ouais, je pense que sur le long terme, si on arrive à l'avoir dans notre poche, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Comme vous voulez, je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais écoutez... Écoute, il a ses propres intérêts, évidemment, mais... ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à Toulon, il a quand même une bonne majorité de personnes à ses côtés. Alors certes, nous parlons de misérables, mais d'un autre côté, je pense que le jour où Toulon sera sous le feu, ça sera peut-être intéressant d'avoir ces gens-là de notre côté. Écoute, je me plie à votre choix. N'est pas tu souhaites notre assistance ou tu souhaites en occuper seul dans la nuit ? Comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, moi, je m'en occupe. Si vous préférez dormir tranquillement dans votre coin, je n'en tiendrai pas rigueur. La discrétion n'est pas forcément mon point fort, donc je pense ne pas participer. Mais... Moi non plus. Mais je te propose d'amener avec toi Lilith. Histoire qu'elle fasse quelque chose, qu'elle arrête de se triturer les méninges et qu'elle fasse finalement quelque chose avec le cœur léger au moins pour une fois dans sa vie. Très bien, je prends la petite. Vous savez que je vous entends, hein. Oui, et tu devrais méditer sur ça. Depuis tout à l'heure, elle jouait avec des pierres, elle s'amusait à les jeter sur les chevaux au loin. Vas-y. Donc, le reste du groupe se met en route et ne reste plus que Flux, Lilith, Et de l'autre côté, au niveau des tentes, pas toutes les tentes, mais d'une certaine partie des tentes, le roi des gueux et divers fidèles qu'il a pu ramener avec lui. Ils sont en train de distribuer, de faire à manger et de distribuer des portions aux gens, à quelques miséreux qui se trouvent autour. Mais également de prendre soin d'eux-mêmes. Hein. Ils ne sont pas non plus tout dans le don aux autres. Ils mangent aussi, ils soignent leurs blessures, ils se reposent. Lilith, elle te dit, Flux... Du coup, il faut faire quoi ? Alors, du coup, juste avant de partir, on a préparé un petit thé. Je ne sais pas si le thé en tant que tel est reconnu dans le Genesis, mais c'est l'idée. Ok, oui, bah voilà, une sorte de petit thé, petite tisane, un petit truc comme ça. Le but va être de discuter avec eux et leur faire boire. Ce que j'aurais aimé faire, parce que du coup, je suppose que d'ici à tomber de la nuit, on a eu peut-être un peu de temps, etc. Oui, vous avez eu un flashback. Ouais, savoir préparer en amont, enfin, demander bah, du coup une théière, un truc comme ça. Et j'aurais aimé pouvoir fabriquer un petit mécanisme très rapidement, même s'il est très grossier, etc. Mais juste pour pouvoir séparer deux liquides, pour avoir un thé qui est avec la plante qui endorme et un thé qui est sans, pour que je puisse en fait switcher de l'un à l'autre, hein, voilà, histoire de pouvoir me servir et boire avec eux. Fais-moi un petit test de engineering, donc intellect engineering. Ouais. J'ai pas ma fiche, je veux bien sortir un 5D. 5D, 1, 2, 3, 4, 5D, ok. J'ai utilisé de l'ego, parce que de souvenir, je suis pas mal en ego, j'étais plutôt. Difficulté de 3. Difficulté de 3 difficulté de 3... On peut faire des stats et je connais plus les stats de Degenesis. C'est moins habitué. Je suis en train de réfléchir justement pour savoir si j'utilise 1 Degenesis, 1D, c'est une chance sur 2 de réussir. Une chance sur 2 de réussir. Ouais. Donc normalement, si je j'utilise un point d'ego, normalement ça m'assure un... Normalement. 50% de chance. Ouais, ok. C'est 50% de chance, c'est ça. Allez. Donc j'ai utilisé un point d'épée, si jamais. Et donc ça fait 3 réussites et un déclencheur. Eh bien parfait, tu réussis à faire un système. Étant donné que tu n'as pas énormément de temps, tu n'arrives pas à confectionner quelque chose de très détaillé. Mais ce que tu arrives à faire, c'est simplement une trappe hermétique que tu peux désenclencher manuellement. Et qui va verser le liquide dans le thé. Il est donc important, si tu veux droguer quelqu'un, de le servir en dernier, puisqu'après ça, le reste du thé sera contaminé. D'accord. Donc, tu as quand même ce système qui te permet, en premier lieu, d'avoir du thé normal et ensuite de faire un switch. Maintenant, tu n'as pas eu le temps et tu n'avais pas les trucs nécessaires pour faire un truc qui permettrait vraiment de switcher autant que tu veux à souhait. C'est pas grave. C'est déjà très bien. Donc je retiens que du coup c'est quand j'appuie, ça va se déverser à l'intérieur et voilà. Ok. Voilà. Donc du coup voilà, le but ça va être de discuter, de leur faire boire, hein. Attendre qu'ils s'endorment. Ou peut-être attends. J'avais demandé sûrement mais que je sache combien de temps met la plante à peu près à faire effet. J'avais demandé. Une petite demi-heure, une heure. Faut la laisser infuser. Ok. Idéalement, ce serait bien qu'on parte avant qu'ils s'endorment, du coup. histoire qu'ils s'endorment loin et qu'on puisse revenir une petite heure plus tard, alors qu'ils sont en train de dormir, pour faire évader les choses. Ok. Tu vois que le thé, c'est Lilith qui propose de leur servir. Ok. Je comprends pas, du coup. Et tu entends sa petite voix au loin qui fait... Alors, elle se fait passer pour la fille d'un gars, une tante plus loin, mais en fait, c'est qui, vous avez jamais parlé de votre vie, hein, vous savez pas qui c'est. Elle dit... elle prend une espèce de petite voix, et elle fait... Mon papa m'a dit de partager mon thé avec vous. Vous en voulez ? Vous savez, les gens à côté, en fait... qui ne réalise même pas qu'elle était là tout à l'heure. Enfin, en vrai, elle a toujours été sur le côté, hein. C'est pour ça que je l'avais pas précisé, mais elle est toujours en train de vagabonder autour. Et vous savez comment sont les gamins, les négociations, ils s'en foutent un petit peu. Au pire, à un moment, elle est en train de jouer au loin avec Verena. mais enfin de jouer encore. Hein. Ils sont quand même à un stade, il y a quand même une certaine différence d'âge un petit peu quand même. Mais dans tous les cas, eux ils se trouvent ça trop mignon. Ils discutent un petit peu, etc. Et dans l'ombre de l'une des tentes, Flux, tu les aperçois au loin boire ce fameux thé. En tout cas, leur verse ce dernier. T'attends un peu. Et au bout d'un moment, la fatigue commence à les gagner. Alors, ils s'écroulent pas hein, sur place. Voilà, hein, mais juste, ils sont en mode là, c'est vraiment l'envie directe d'aller faire une sieste. Et vont un petit peu dans le bâtiment, bah, à l'arrière, simplement, en fait, ils disparaissent. Ok, je vais attendre un peu, bonne dizaine, enfin même plusieurs, s'il faut, dizaines de minutes, de toute façon c'est censé bien les faire dormir. C'est, ouais, c'est normalement. Il a sorti une belle carte. Si j'attends, bon, ouais, quelques dizaines de minutes, ça devrait pas trop poser problème, juste histoire d'être sûr que ça fasse effet, qu'elle s'endort. C'est vrai. Et donc, une fois que je me suis assuré que le temps était assez passé pour être sûr qu'ils ne soient pas encore somnolents, mais qu'ils soient vraiment commencé à s'endormir, je vais pouvoir, du coup, aller au niveau des enclos et voir un peu déjà combien de chevaux il reste, en dehors de ceux qu'on avait réservés nous. Donc j'essaie de diviser un peu, de voir... Dans la partie enclos, il y a en tout pour tout 10 chevaux. Ok. De libre ou en plus de. Enfin, avec ceux qu'on avait. Je sais pas trop. Il y en a en tout, okay. Il y en a 10. Sachant qu'il y a d'autres espaces, mais qui eux sont vides, parce qu'il y a d'autres gens qui ont dû en emprunter. Ok. Et que vous en avez besoin, a priori, de 6. Si jamais je ne me trompe pas, puisqu'il y a Lito, toi, Toric, Verena, Lilith, Fernex. Donc c'est ça, ça fait bien 6. Mais encore, vous êtes prévu d'en mettre plusieurs sur le même, ça, je ne sais pas. Vous me dire. Je peux déjà en libérer 4, ça fait roi dégueu, quelques personnes qui peuvent l'accompagner. 4, c'est bien, déjà. Ok. Sachant que malheureusement, si pour rentrer, tu vas avoir besoin de clés. Ouais. Parce que t'as une... En gros, t'as des parties ouvertes au niveau de l'arrière, où se trouvent les chevaux. C'est pas par là qu'ils passent la tête, parce qu'ils vont pas être enfermés à 100%. Mais du coup, la partie humaine, là où les êtres humains rentrent, est fermée. Alors après, tu peux tenter donc soit d'ouvrir avec une clé, soit de crapahuter un petit peu dans les enclos derrière, au niveau des chevaux. Mais a priori, pour leur ouvrir leur partie à eux, ça sera peut-être la même, je ne sais pas. Oui, mais dans tous les cas, à la fin, il faut que ce soit au moins ouvert pour qu'ils puissent partir. Donc, visiblement, j'en avoir besoin. Les donc, chevaux, on va passer. En ayant beaucoup de valeur, c'est normal qu'ils les gardent autant, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est cohérent. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est. Bon, on va devoir aller chercher ses clés. Il va falloir jouer sur la discrétion. Je veux que je bois. Particulièrement mauvais, mais pas particulièrement bon. Donc, on va juste s'appliquer, sachant que je sais que je n'ai pas de pression, parce que normalement, je sais qu'ils sont censés bien dormir. Donc, j'ai vraiment joué sur le fait de me forcer à être en calme intérieur. De voilà, je suis maître de mes mouvements, je suis pas en pression. Donc, pour avoir une discrétion le plus totale. Je vais rentrer à l'intérieur et je vais aller chercher ces clés. Bien sûr, pour me jeter. 2D plus 1D bonus. Pourquoi 2D? Parce que tu as 2 en habilité de fiche. Ah, oui, j'étais pas sur bonne fiche, j'étais à côté. Tout à fait. Plus 1D bonus, ça fait 3. Plus 1 ego, je lance le D. Ok. Par contre, j'ai pas le décompte de mes égos en direct, mais j'espère... Normalement, j'étais bien. Ça, je 7 sur 12. Faudra que je me calme après, que je me repose un peu, mais... Ouf, deux réussites. Et deux têtes de mort. Je sais pas du coup si ça annule ou pas, mais non, ils sont pas plus. Je sais pas. Eh bien, tu tente d'agir ta discrétion et essaie de pénétrer à l'intérieur du bâtiment pour récupérer les clés. Et à un moment derrière toi, simplement, t'avais laissé la porte entrouverte. Il y a un petit coup de vent qui fait que ces dernières se claquent. Tchoum. Tu vois, tu sais, c'est des espèces de pièces un petit peu en angle. Il y a sur des lits, donc les deux, le tenancier et la tenancière, surtout le tenancier que vous aviez parlé honnêtement, la tenancière, vous l'avez vu vaguement au loin, mais pas plus que ça, en train de dormir, et qui ne semble pas du tout être réveillé par ce bruit de porte, hein, clairement, ils sont ailleurs. Par contre, derrière, t'entends une voix qui dit « Tu es là, Christophe ?» Christophe, ça te dirait d'aller boire un coup ? On va voir. Je regarde autour de moi. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux potentiellement me cacher ? Sachant que je vais éteindre toutes les lumières de mon costume, évidemment, histoire qu'il n'y a pas trois yeux qui dépassent. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me faufiler C'est un peu... Alors, tu peux te cacher derrière un meuble. Maintenant, s'il rentre, il finira probablement par te voir. C'est pas une cachette parfaite. Oui, mais je me doute. Tu as entendu fermer la porte. Sachant que... Alors, que je avec visualise ta femme, un peu... Ça. Il a l'air insupportable. Il a l'air insupportable, déjà. Et ensuite, que je visualise un peu la pièce. Enfin, genre, parce que cette voix-là, elle vient d'où, du coup, genre... Elle vient de... En fait, derrière, comme s'il y avait un gars devant qui voulait lui-même réserver des chevaux. Sauf que, visiblement, c'est un pote à lui. Qui vient juste d'arriver. Okay, donc, il a dû arriver donc, il vient par la porte que je viens d'emprunter. C'est ça. Bah, il vient derrière, mais il a pas ouvert la porte. Là, t'es dans la maison. Oui, non, tout à fait. Mais oui, techniquement, il vient de derrière ce truc. En gros, devant, il y a un petit promontoire, et lui, il est derrière le promontoire. Et le promontoire est lui-même aligné avec la porte. Du coup, je vais me positionner, en fait, au niveau de... Tu sais, à côté, genre, pour que s'il ouvre la porte, je sois derrière celle-ci. Okay. Et attendre que ça passe pour entendre que soit il part, soit il rentre, et dans ce cas-là, je devrais normalement, en espérant, ça marche une fois sur deux cette technique, être assez discret pour qu'il ne me voit pas. En effet, dans ton cas, sachant évidemment, je vais me mettre. Je vais venir te chercher, hein. Ah, salopard, j'arrive. Il a l'air de s'avancer. Tu vois la poignée qui commence à tourner, et la porte qui s'ouvre. Je me colle le plus possible pour éviter que, bien sûr, la porte me rencontre mon corps, donc j'essaie vraiment de me recroviller, ça passe. Il fait quelques pas et il fait « Christophe !» Qu'est-ce que tu fais ? Bah non, justement. Moi, j'essaie vraiment de partir du principe qu'il va le voir dormir, il va le laisser tranquille et que... Bon, là, s'il se retourne, il va te voir. La porte est pas à laisser. Pas complètement, non. Bah, en fait, dans ce cas-là, je vais essayer de faire un mouvement et de repasser de l'autre côté au niveau des. Au niveau de t'as pas les clés ? Rien m'empêchera de revenir un peu plus tard, hein, okay. Quand il y aura pas l'ami de Christophe. Tu ressors et tu vas te planquer un peu derrière avec Lilith qui te regarde avec ses yeux et elle te dit : qu'est-ce qu'on fait ? On attend. Non. Non, on ne tue pas. D'accord. Vous êtes caché derrière un tonneau et vous avez juste au-dessus de vous la tête d'un cheval. Dégage. Elle reprend des cailloux qu'elle ramasse par terre dans sa main. Elle comme si elle le menaçait avec. Arrête. Fais pas de bruit, elle l'attire pas. La seconde d'après... Vous voyez là, vous entendez le bruit de la porte qui s'ouvre à nouveau. Et vous avez l'ami du tenancier qui sort avec le tenancier sur son épaule à moitié réveillé. Il lui fait « Oh mais t'as vu ou quoi ?»« Ouais, t'inquiète pas, je vais t'emmener là-bas. » J'essaie de particulièrement faire gaffe de est-ce que le tenancier a l'air d'avoir des clés sur lui ou pas. Genre, t'es à sa ceinture. Ok. C'est... Ça va alors. Allez-vous-en. Par contre, le mec, il force. Hein. Genre, c'est vraiment le pire ami au monde. Il a l'air vraiment très particulier. Déjà, le fait d'être rentré, tu trouves ça hyper particulier. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais je t'avoue qu'à la base, quand je me suis caché derrière la porte, je me disais, bon, de toute façon, il va pas rentrer. Au pire, il va voir son ami, il va juste ressortir. La seconde d'après, bon, t'entends le bruit de la porte qui se referme, comme si la femme était réveillée à l'intérieur et qu'elle venait de refermer derrière. Ah, ou alors, c'est le courant d'air. Le même qui m'a fait chier. Ben, je vais attendre un peu. C'est trop tôt pour y retourner là maintenant. Mais normalement, je sais que les effets de ce genre de plan fait que si elle se recouche, elle devrait retourner bien dormir. Moi aussi, c'est efficace. Du coup, je vais attendre un peu, genre 20, 30 minutes s'il faut. De toute façon, visiblement, l'autre est parti pour emmener son pote toute la nuit boire ou quelque chose comme ça. Donc, je réattends une bonne petite demi-heure avant de retourner à la maison. Ok. Sachant que avant de rentrer à l'intérieur, donc une fois que j'arrive au comptoir, je vais faire un petit toquement, mais genre assez petit pour entendre quelqu'un, mais pas trop gros pour pas réveiller quelqu'un qui aurait un sommeil léger, juste pour voir si du coup elle est réveillée ou pas. Ok. Tu en trouves donc la porte ? Non, d'abord je toque. Un léger toquement, pas trop fort, mais juste pour voir s'il y a une réponse. Ok. Tu toques, et la seconde après, t'entends... Oui ? C'est toi, Christophe ? T'es déjà rentré ? Qu'est-ce que tu fais ? Je souffle très fort. T'entends une qui s'approche de la porte. Je retourne à l'extérieur, je m'en fous. Je sors. La seconde d'après, la porte s'ouvre. C'est vraiment pas drôle. Et je retourne à côté de Lilith. Je laisse tomber cette partie-là. Et je me dis qu'il faut qu'on trouve un autre moyen de faire sortir les chevaux que ça. Parce que là, c'est pas possible. Donc, faut qu'on voit les alentours, voir les potentielles sorties, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et voir si je peux crocheter ce genre de choses. T'as Lilith qui te dit les chevaux, ça a de la force, est-ce qu'on pourrait pas leur faire enfoncer la porte ? La porte est comment ? C'est une porte en bois. Porte en bois. Genre, qui justement a l'air plutôt solide, ou genre qui pourrait céder sous la charge d'un cheval. Pardon, excuse-moi, je suis désolé encore une fois. Il n'y a pas de souci. Non, juste savoir si... je allais jauger un peu, voir est-ce que c'est juste belle porte en bois qui a l'air assez bien renforcée, bien entretenue et assez solide, ou genre de porte en bois ou sous la charge d'un cheval. C'est du vieux bois épais. Ouais, donc normalement, si la charge en cheval, ça pourrait craquer. Le cheval prendrait très cher. Oh non, avec, le pauvre. Mais avec plusieurs chevaux, peut-être. Je regarde un peu la serrure, voir est-ce qu'il y a quelque chose dont ça parlerait, est-ce que je saurais un peu comment crocheter cette chose-là, ou pas du tout, est-ce que ça dort, mais... Tu peux tenter, tu vois vaguement comment ça marche maintenant, est-ce que tu t'en sortirais, ça tu sais pas, mais tu peux essayer. Oui, non, déjà, je veux savoir, est-ce que j'ai cette connaissance-là, et si oui, je peux toujours tenter, oui. Oui, dans un monde comme celui des Genesis, vous avez tous au moins une fois dans votre vie eu à essayer de déverrouiller un truc. Dans ce cas, je veux bien essayer, je me dis, si ça peut déjà faire gagner ça... Fais-moi un test d'agilité dextérité, donc tu jettes 3D. Bien compliqué cette histoire. Hein. Oh, 3 réussites. Mais pas de déclencheur. 3 réussites ? Ok. déclenche. Tu vois que la porte s'ouvre. Tu récupères 2-3 trucs, tu piques un peu de matos à Lilith qui d'ailleurs t'aide dans l'opération. Elle a déjà eu à faire ça aussi par le passé. Et vous arrivez à ouvrir la porte. Hein. C'est pas un système de sécurité ni quoi que ce soit. Hein. C'est le truc de base qui était là. Ok. Eh bien, plutôt heureux de voir cette issue. Que c'était si simple en fait. Si j'aurais su depuis le début, on aurait pu juste essayer de crocher la porte, mais. Ah, surtout que là, c'était un peu votre dernier recours. Hein. À part ça, il n'y avait plus d'autres solutions. Hein, priori. À part blesser des chevaux et pour le con, éviter. Tient à cœur ici. Donc, heureux de cette issue, vraiment. Donc, on va aller choper 3-4 chevaux et les laisser sortir. Je sais pas si après, il m'avait donné un truc genre en mode juste un lieu où les mettre ou est-ce que juste... En fait, vous les faites sortir par derrière. Vous les faites longer une espèce de petit sentier que t'avais indiqué préalablement, le roi des gueux. Où vous le retrouvez en compagnie de plusieurs de ses amis. Et lorsqu'il vous voit arriver, il a avoir un super sourire. Et il fait magnifique. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci, Flux. Tu vois qu'il se met à caresser l'une de ses bêtes. Et tu vois qu'en effet, certaines ont l'air d'avoir pris assez cher. Hein. Après, est-ce que c'est... Enfin bref. Ils ont quelques marques et tu vois qu'il dit on essaiera d'en prendre le plus grand soin. J'espère bien. Et là-dessus, vous allez pouvoir disparaître au loin et aller retrouver le reste du groupe qui va payer une petite chambre et plus repas à l'auberge du Clébard ou du Chien Enragé, comme vous le souhaitez. Je vais donc déduire quelques dinars de votre réserve. Sauf pour Torik, puisque Torik, lui, pourra directement être hébergé au Bastion. Où tu finiras de récupérer tes derniers points de vie. Vous allez tous également récupérer un point d'ego. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour ce soir.